Le comité Suisse-Corée et le cercle d'études des études de Suisse ont publié les 18 et 21 les déclarations communes en signe de soutien à l'entretien du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée en date du 16 courant et contre les menées de provocation de la guerre nucléaire des États-Unis qui s'aggrave au fil des jours contre notre République.